C'est vers le ciel qu'on te regarde. Tu sais, on t'aime tant. Dans nos souvenirs, tu es présent. L'avenir n'est plus important. C'est ton image qui nous revient et ton sourire qui noue le lien. Tu es la force qui nous maintient, notre courage au quotidien. Vie sans toi est un chagrin. On compte les lendemains, mais notre amour est immortel. C'est ton image qui nous revient et ton sourire qui noue le lien. Tu es la force qui nous maintient, notre courage. C'est ton image qui nous revient et ton sourire qui noue le lien. Tu es la force.